بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب قواعد المثنى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد Donc on va continuer inchallah sur la lecture et l'étude des règles concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal et ses noms. وقد وصلنا إلى فصل جديد في قواعد في أدلة الأسماء والصفات. وقد درسنا فيما مضى قواعد في أسماء الله الحسنى. ثم درسنا الفصل المتعلق بالصفات. بصفات الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل قواعد في أدلة الأسماء والصفات Donc on a, dans les assises précédentes, on avait étudié des règles, comme on l'a dit et relaté dans les assises précédentes, des règles concernant les noms. L'auteur ensuite a mentionné des règles concernant les attributs et maintenant, on apprend des règles relatives au texte, c'est-à-dire aux preuves. Qala qawaid fi adillati al-asma'i wa sifat. Wa min babi al-muraja'a, qala al-musannif al-qa'idatu al-ula, al-adillatu allati nuthbitu biha al-asma'a lillahi ta'ala wa sifatihi hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Fala tuthbatu asma'ullahi وصفاته بغيرهما قال وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته وما ورد نفي فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده ومن لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه قال وأما معناه فيفصل فيه عندما يقول وأما معناه بمعنى أنه قال بالنسبة للفظ نتوقف في لفظه التوقف في لفظه لكن أما معناه فقال فيفصل فيه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده قال في شرح هذا الكلام وهذا الكلام مهم جدا قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما يعني في الكتاب والسنة وجب التوقف في لفظه فلا يثبت Voilà, yunfa. Donc on a appris concernant la première règle liée au texte. Il dit fi adillati al-asma wa sifat. On a appris qu'il y a des choses parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla qui sont affirmés dans le Coran. Donc il y a des attributs qui sont affirmés, car Allah s'est affirmé pour lui-même dans le Coran. On les affirme. Il y a une deuxième catégorie d'attributs qui sont des attributs niés, comme on l'avait appris dans les assises précédentes. On les nie. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé pour lui-même et attribué comme nom et attribut, on l'affirme. Et ce que son envoyé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé pour le créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sunna authentique, nous l'affirmons. Et ce qui est nié, ce qui fait partie des attributs niés, alors on nie en affirmant la perfection opposée. Ça, c'est ce qu'on avait appris dans les assises précédentes. Ensuite, l'auteur nous dit, par contre, ce qui est ni affirmé, ni nié, la yuthbat wa la yunfa, ce qui est ni affirmé dans le Coran et ce qui n'est pas nié, alors il dit wajabat tawakkufu, on s'abstient. On s'abstient de citer le terme, ni on l'affirme, ni on le nie. C'est ça le fait qu'on s'abstient. Pas le fait de citer le terme, mais on s'abstient de l'affirmer ou bien de le nier. On s'abstient. Pourquoi ? Parce que cela n'est point venu dans le kitab ou à la fissunna. Il va donner des exemples. On avait commencé à illustrer les exemples des assises précédentes. Ça, c'est en ce qui concerne al-lafz. On avait donné des exemples à cela. Par exemple, al-jiha, la direction, l'endroit. La direction, l'endroit, on sait qu'Allah Azzawajal nous a informé à son sujet qu'il s'est établi, élevé au-dessus de son trône. Mais est-ce que dans les textes sacrés du Coran et de la Sunna, il y a la mention de al-jiha, la direction, l'endroit? Certains traduisent par la localité. Non. À ce moment-là, on s'abstient. Par exemple, al-jism. Al-jism, le corps. Est-ce qu'on a l'affirmation dans les textes, par exemple, de l'attribut du corps? Non. Alors, ça, ce n'est pas venu dans les nobles textes sacrés, dans al-kitab ou al-fi-sunna. Donc ici, on s'abstient. Natawakkaf. Quel est le sens de cela? L'auteur veut dire ni nuthbit, ni on affirme, ni on nie. Par contre, il dit on s'abstient au sujet du terme. Écoutez bien, on s'abstient au sujet du terme. Le terme en lui-même, al-jiha, al-jism et d'autres que l'auteur va donner à titre d'exemple, comme il va citer dans ce qui va suivre, ni on l'affirme, ni on nie. Par contre, il reste le sens. Et là, l'auteur fait la différence entre le terme en lui-même, al-lafz, c'est-à-dire l'énoncé, et al-ma'na, le sens. Le sens, par contre, qu'est-ce qu'on fait au niveau du sens? Il dit, fayufassal fihi. On détaille, en développant, dans le sens fihi. Si le sens voulu, lorsque par exemple il y a la mention de ces termes, si le sens voulu, c'est un sens qui est vrai et véritable, un sens en quelque sorte qui est vérité, comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous l'acceptons. Par contre, il dit « وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعَنًا لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَى » Par contre, si ce qui est voulu à travers l'emploi ou la mention de ce terme, c'est un sens qui n'est pas vérité, qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, « وَجَبَ رَدُّهُ » Il dit « Il incombe donc de le rejeter. » Donc, vous avez vu l'auteur ici, il fait la distinction entre al-lafzu et al-ma'na, entre le terme lui-même énoncé et le sens. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que parfois, vous pouvez trouver de grands savants partisans de la sunna, de grands imams célèbres dans les siècles précédents, qui étaient connus pour leur droiture et leur bonne compréhension de la croyance, du dogme des gens de la sunna. Il peut traiter, par exemple, ces sujets-là. Et c'est pour cela que certains adeptes de tendances déviantes ont ensuite imputé à de grands imams, à ces imams justement, d'affirmer ces attributs qui ne sont pas affirmés ni dans le kitab ou à la fi sunna. Et pour celui qui n'a pas la connaissance du sujet, alors ensuite, comme vous pouvez trouver par exemple sur le net, vous allez trouver des articles disant que par exemple, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah lui imputant que lui, il affirme tel et tel attribut. Or, Or, la règle chez les gens de la sunna, c'est ni on affirme, ni on nie. Natawakaf. Parce que ce n'a pas été affirmé ni nié dans Al-Kitab, ni dans la sunna. Par contre, le savant peut parler du sens en affirmant le sens véritable. Et donc, ceux qui n'ont pas la bonne compréhension, ou par exemple, les adeptes de tendances innovatrices et déviantes, peuvent ensuite imputer à l'auteur ou au shir le fait d'affirmer tel et tel attribut. Ce qui peut créer ensuite la confusion dans l'esprit de gens de la masse ou de débutants dans la science religieuse. Et c'est pour ça que l'auteur ici, c'est très pertinent, c'est pour ça qu'on fait bien, et c'est la nuance qu'il y a entre « al-lafz », le terme, et le sens. Regardez, c'est pour cela que Cheikh il nous a donné exemple à cela. Il dit, dans l'explication de cela, طيب. Il dit وَعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَمْ يَلْجَأُوا إِلَى هَذَا التَّفْصِيلِ إِلَّا لِأَنَّ أَهْلَ التَّعْطِيلِ أَلْجَأُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ فِي مَسَلَةِ الْجِسْمِ وَالْجِهَةِ وَالْحَادِثِ وَالْمَحْدُودِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Il dit pourquoi les savants ensuite ont dû traiter le sujet et ont dû développer et parler du sens en mettant en avant le sens véritable et vérité, et qui est vérité, et le sens qui n'est pas vérité. Pourquoi? Parce que justement, les partisans de la négation de l'asma ou sifat des noms et des attributs d'Allah ont poussé justement les savants à traiter le sujet. Et de ce fait, les savants ne pouvaient pas laisser des choses se dire au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'ensuite eux développent et mettent en avant la vérité. Donc ils ne pouvaient pas garder le silence comme on avait pris là la fois dernière, il fallait développer cela. C'est pour cela qu'ensuite ils étaient obligés de parler de ces sujets que les tendances innovatrices ont mis en avant. Qala. Ensuite l'auteur dit فَمَا وَرَدَ إِثْبَاتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى كُلُّ صِفَةٍ دَلَّ عَلَيْهَا إِسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى دَلَالَةً مُطَابَقَةً أَوْ تَضَمُّنًا أَوْ إِلْتِزَامًا أَوْ إِلْتِزَامًا وَمِنْهُ كُلُّ صِفَةٍ دَلَّ عَلَيْهَا فِعْلٌ مِنْ أَفْعَالِهِ كَالِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ وَالنُّزُولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْمَجِيءِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكون بقسميها يعني الكون والشرعي فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهية ونحوها. Ensuite, regardez, c'est très pertinent. L'auteur nous dit, donc tout ce qui nous est affirmé comme attribut au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. فما ورد إثباته لله تعالى. Tous ces attributs qui nous sont mentionnés et cités dans les textes. Il dit ces attributs qui sont, par exemple, indiqués d'Allah alayha ismun mi asma'illah. Tous ces attributs qui sont indiqués, par exemple, par les noms divins. Comme on l'a dit dans les règles précédentes, chaque nom induit un attribut ou des attributs. Et donc, il dit que cette indication soit d'une indication par correspondance, par induction ou bien par application. Et ça, on l'avait explicité et bien étudié ça dans les règles relatives au nom d'Allah Azzawajal. Vous avez vu lorsqu'on avait appris ces trois catégories d'indications. Dalalat al-mutabaqa, wa dalalat al-tadammun, wa dalalat al-iltizam. Qu'on avait appris ces trois catégories d'indications. L'indication par correspondance. L'indication, c'est ce qu'on une traduction relative lorsqu'on dit dalalat al-mutabaqa, dalalat al-mutabaqa, l'indication par correspondance, traduction approchée relative. Deuxième catégorie d'indication, l'indication par at-tadammun, at-tadammun par induction. Troisième catégorie de l'induction, dalalat al-iltizam par implication. Donc ça reste une traduction rapprochée, par implication. Et ça, on l'a bien, comme le cheikh ensuite nous dit, donc tous ces attributs-là, qui sont indiqués dans le Coran, il va relater ce qu'on a appris. On a appris que dans le Coran, les attributs, on a des indications. Dans le noble Coran, concernant par exemple dans les textes sacrés et dans la Sunna concernant les attributs. Donc on a des attributs qui peuvent être indiqués par rapport à la mention d'un nom ou de nom sublime d'Allah Azzawajal, Al-Asma'ul Husna. Ça peut être par la mention ou la citation dans le Coran d'Al-Af'al, d'acte. On peut déduire à partir de l'acte l'attribut. Ou bien d'un wasf, d'une description, on déduit l'attribut, et donc, comme on l'a appris dans ce qui a précédé. Concernant les noms, du fait qu'à travers la mention et la citation de nom d'Allah Azzawajal dans le Coran, on déduit l'attribut, ou les attributs. Mais cette déduction-là, il dit, ça peut être une déduction par correspondance, une déduction par induction, ou une déduction par implication. C'est vrai, lorsqu'on entend les termes, ces terminologies-là, ça peut sembler un peu complexe, mais en fait, c'est très simple. Et je vais faire illusion très rapidement à ce qu'on a appris lorsqu'on avait appris les règles concernant les noms, puisque lorsqu'on a appris les règles concernant le nom, les noms, pardon, l'auteur avait dédié justement un chapitre pour nous enseigner les différentes catégories d'indications. Et donc, il dit wa sabaqa lana bayanu dalalat at-tadammun wal-mutabaqa wal-iltizam. Fa idha dalla al-lafdhu 'ala al-ma'na kullihi bi jami'i ajza'ihi fa huwa mutabiqun. Wa dalalatuhu 'ala juz'i al-ma'na tadammun wa dalalatuhu 'ala amrin kharijin lazimin iltizamun. On avait dit, pour une petite révision très brève, pour qu'on puisse continuer, et Shir nous fait allusion à cela dans l'explication. Il dit, on avait dit, lorsqu'on a appris les règles concernant les noms, qu'on peut, à travers les noms d'Allah Azzawajal, il y a des attributs qu'on peut déduire par une déduction et une indication par correspondance, ou par déduction ou par implication. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit dalalat al-mutabaqa, c'est-à-dire que il a dalal-lafdhu, le terme, lorsqu'il indique tous les sens, lorsqu'un terme est cité, et il indique tous les sens du sujet, alors celui-ci, on dit, cette indication-là, elle n'est pas correspondance. Pourquoi on dit correspondance? Ça peut sembler complexe, mais en français, c'est pour sous-entendre qu'il correspond à tous les sens. Qu'il correspond. Donc c'est plus simple. Qui correspond? C'est une indication qui correspond. On dit par correspondance pour faire plus simple dans le terme, sinon dans le sens qui correspond. Donc comme par exemple, ensuite on va donner l'exemple pour que ça soit plus simple. Donc je pense que là, on se rafraîchit la mémoire par rapport à ce qu'on a appris concernant les règles liées au nom. lorsque un terme indique tous les sens du sujet, alors cette indication, elle est par correspondance, on appelle ça en arabe mutabaqa, al-mutabaqa, c'est-à-dire elle correspond à tous les sens. Elle correspond. Mutabaqa, en arabe, c'est le fait de correspondre. Lorsque le terme cité indique une partie du sujet, mais pas tout. Le sujet, c'est, on appelle ça une indication par déduction, c'est-à-dire que c'est induit. Par induction plutôt, pas déduction, pardon. Par induction. Ça veut dire que le sens est induit. Il est sous-entendu. Le sens est sous-entendu. C'est pour ça qu'on dit tandem moon. C'est-à-dire, telle chose sous-entend, induit telle chose. C'est pour ça qu'on dit indication par induction. Par induction. Lorsque le terme correspond, ou plutôt indique une partie du sujet, pas tout. Si il correspond à tout, c'est bilmutabaqa, par correspondance. Lorsque maintenant, troisièmement, le terme indique quelque chose d'extérieur au sujet, sous-entendu et traité, il indique quelque chose kharij, alors extérieur au sujet qu'on traite, alors c'est une, on, il indique, donc cette indication elle est par implication, c'est-à-dire telle chose implique telle et telle. Exemple maintenant, donc ça c'est la règle générale pour comprendre. Exemple, il dit وَمَثَّلْنَا بِكَلِمَةِ الْخَالِقِ. Maintenant, exemple concernant, un exemple concernant les noms et les attributs. Les noms et les attributs. Il dit, on avait donné un exemple. Et souvenez-vous, rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié les règles concernant l'asma al-husna, les noms, l'auteur, lorsqu'il a dédié un chapitre concernant ce sujet-là, il avait donné un exemple. Il dit, on avait donné l'exemple de Al-Khaliq, le créateur. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, le créateur. Donc on a dit là, du nom, c'est là qu'il faut bien comprendre, le nom d'Allah Azza wa Jal, il va indiquer les attributs. Cette indication, donc, d'un nom d'Allah Azza wa Jal, on va déduire des attributs. Ce nom qui va indiquer des attributs, cette indication elle peut être une indication par correspondance, une indication par induction ou une indication par application. Vous comprenez mieux ? Regardez. Al-Khaliqu. Faqulna Al-Khaliqu. Lorsqu'on entend qu'Allah Azza wa Jal est le créateur. Et parmi les noms sublimes d'Allah, Al-Khaliq, le créateur. On déduit. On déduit que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq wa al-khaliq fa yadullu ala thubut al-dhat. Donc le fait qu'Allah azza wa jal, il est le créateur, ça indique l'affirmation de l'être, ça indique l'affirmation, l'existence de l'être, Allah azza wa jal. Puisqu'Allah dit qu'il est le Khaliq. Donc ça indique Al-Dhat, c'est-à-dire l'être. Et ça indique quoi? L'attribut de la création. Qu'Allah détient Sifat Al-Khalq. L'attribut de la création. Ay ala al-amrayni jami'an. Donc on voit que lorsqu'on dit Al-Khaliq, ça nous indique aussi bien l'être, l'existence de l'être d'Allah Azza wa Jal, et ça nous indique l'attribut de la création. Pourquoi on dit ça nous indique? Parce que c'est une indication qui est claire. Là, lorsqu'on dit le Khaliq, il n'est pas cité Sifat al-Khalq. C'est pas cité attribut d'une manière. De manière. Ici, textuel, c'est pas cité, il n'est pas dit attribut de la création. Il est dit khaliq, créateur. Mais, si une personne dit, mais, est-ce qu'il est cité attribut de la création? Qui en a des attributs de la création? On dit, bah, c'est indiqué. C'est pas indication, on le déduit, forcément. Si Allah il est le Khaliq, ça indique l'existence de son être, puisqu'il est le Khaliq Kulli Shay, il a créé toute chose, et ça indique donc qu'il détient l'attribut de la création. Donc, à partir du nom, on a déduit aussi bien l'existence de l'être, that, et aussi bien on a déduit l'attribut de la création. Donc c'est par indication. Mais comme l'indication ici, tout ce qu'on vient de citer, ça correspond à tout. Allah Azzawajal est le vivant. Subhanahu wa ta'ala, l'éternel. Allah Subhanahu wa ta'ala détient l'attribut de la création, il est le créateur de toutes choses. Donc on voit ces indications-là, le fait que l'existence de son être, le fait que ça indique l'attribut de la création, c'est par correspondance, c'est-à-dire que ça correspond à tout cela, tout ce qu'on vient de citer. Donc si une personne, par exemple, dit, donne-moi la preuve qu'Allah à l'attribut de la création. Par exemple, pour que vous compreniez bien à quoi, pourquoi les savants enseignent ça au Talabat al-Ilm. Par exemple, une personne adepte de la négation des attributs. Pour lui, Allah Azzawajal n'a pas d'attributs. Et eux, pour eux, l'affirmation de la perfection du Créateur va par la négation des attributs divins. Donc si tu lui dis, Allah n'a pas l'attribut de la création, tu lui poses la question, il dit non, il te dira non. Va te dire, cite-moi la preuve dans le Coran que il est dit Allah détient l'attribut de la création. Walillahi sifatul khalq, par exemple. Bah, on lui dira, c'est par indication. Delala, c'est par indication. Le nom al-Khaliq indique qu'il est le créateur et qui détient donc l'attribut de la création. Vous avez vu pourquoi les savants nous enseignent, ici l'auteur nous enseigne, c'est delala, c'est par indication. Donc le nom d'Allah Azzawajal, Al-Khaliq, indique l'existence de son être, son être. Il indique aussi qu'il a l'attribut de la création. Donc lorsque c'est par correspondance, on dit d'une indication bil mutabaqa. Et on dit cette indication elle est bil mutabaqa. La personne dit quelle est la preuve que ton créateur est existant? Bah qu'Allah Azza wa Jalla est le Khaliq, par exemple, c'est indiqué le fait qu'il soit le Khaliq. Ça indique son être. Al-Dhat. Taïb, donc on affirme Al-Dhat, l'être pour Allah Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, وعلى الذات وحدها طيب أي على الأمرين جميعا دلالة مطابقة وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل تضمن وعلى الخلق وحده تضمن أيضا. Maintenant, si on veut juste, par exemple, parler d'une indication, parmi les indications qu'indique le nom. Par exemple, on veut dire que Allah Azzawajal, son nom El-Khaliq, s'indique l'attribut de la création. On veut juste citer l'attribut, on parle juste de l'attribut de la création. C'est une indication par induction. Dans le sens, le fait qu'Allah Azzawajal est El-Khaliq, ça induit. Dans le sens, ça sous-entend qu'Allah a l'attribut de la création. Comme par exemple, Allah le fait qu'il a le nom Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux, une traduction relative et rapprochée. Ça induit, ça sous-entend quoi? Qu'il a l'attribut de la miséricorde. Lorsqu'on dit qu'il a l'attribut de la miséricorde, qu'il peut faire miséricorde, qu'il fait miséricorde. Donc il détient sifat ar-Rahman, ar-Rahma, ar-Rahma. Sifat ar-Rahma. On a dit, lorsqu'on a pris la règle qui a précédé dans les attributs, elle peut être citée, on peut la trouver citée d'une manière explicite, comme elle est indiquée. L'attribut de Ar-Rahma dans le Coran, elle est citée d'une manière explicite. Mais ce n'est pas tous les attributs qui sont cités de manière explicite. C'est une catégorie d'attributs, comme on l'a dit. Par contre, si Ar-Rahma n'était pas cité d'une manière explicite, le nom Ar-Rahman induit, sous-entend l'attribut de la miséricorde. Donc on dirait, il dit mettre Dalil. Quelle est ta preuve que Allah détient l'attribut de la miséricorde? Bah, par indication d'induction. D'induction dans le sens que c'est induit, c'est sous-entendu dans le nom. Allah, il est Ar-Rahman, donc ça induit qu'il est celui qui détient l'attribut de la miséricorde. Vous comprenez pourquoi Cheikh il insiste sur ça. Et donc, cette indication-là, elle est par induction, comme on a dit, parce que le terme sous-entend, indique cela. C'est-à-dire, le nom induit l'attribut. Ça, c'est clair. Maintenant, dalalat al-iltizam, la troisième forme d'indication. Le nom peut indiquer autre chose. Mais quelque chose, par exemple, qui est, comme il l'a dit dans l'explication, Kharij lazimin iltizamun, quelque chose d'extérieur, mais on le déduit par implication. C'est-à-dire, le nom implique, là c'est une implication, implique forcément telle chose. Par exemple, le fait qu'Allah Azzawajal est le créateur. Il a le nom El-Khaliq, il est le créateur. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique El-Ilm, la science. Ça implique El-Qudra. Ça implique la capacité de pouvoir créer. Ça implique aussi El-Irada, la volonté. Donc si Allah Azzawajal, il est le créateur, ça implique donc qu'il a l'attribut de la volonté. Car pour créer, il faut vouloir créer. Et il faut l'ilm, le savoir, la science. Et il faut, parmi les choses, la capacité, la puissance, le fait de pouvoir créer. La personne dit, mais c'est pas dit. Est-ce que c'est dit explicitement? Non. Mais c'est par implication. Ça implique telle et telle chose. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Si par exemple, vous vous spécialisez dans le domaine de la croyance, sachez que c'est la personne qui se spécialise ensuite et veut progresser et progressivement dans la lecture de livres concernant le dogme et la croyance, ça va demander ces connaissances-là. Pourquoi? Parce que si la personne n'a pas ces connaissances-là, arrivé à un moment, il sera très limité, et pourra pas poursuivre sa lecture. Pourquoi? Parce que plus il va évoluer dans la lecture de livres, de dogmes et de croyances, plus il y a des sujets qui seront très complexes. Pourquoi? Parce que dans les siècles précédents, ensuite, émergea certaines doctrines qui ont compris la croyance et le dogme par la philosophie. Et ont été prouvés, par exemple, par la philosophie. Donc de là, certains livres ensuite, il va y avoir des parties, ça sera la philosophie, lorsque vous évoluez dans certains livres. Et donc ça va demander vraiment à connaître des règles pour comprendre ces sujets-là. Et si vous voulez, avec la succession des siècles et des temps, de nombreuses incompréhensions ensuite se sont propagées dans le monde musulman. Les savants devaient clarifier et expliquer. Et donc ça ensuite, ça a été explicité dans des livres. Pour comprendre, il faut avoir l'outil. Sinon, le lecteur, il va être perdu. Si par exemple, vous lisez Al-Fatawa Al-Kubra dans le domaine de la croyance de Cheikh Al-Islam et Ibn Taymiyyah, vous ouvrez majmou' Al-Fatawa, vous rentrez dans les parties où justement il répond et réfute aux philosophes, c'est très complexe. Même certains étudiants dans la Batel Ilm qui ont des années d'études ne comprennent pas. Et c'est pour ça que lui-même l'auteur, il a des livres qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut vraiment avoir de la connaissance pour comprendre ces livres. Donc ces règles-là, l'auteur les donne, c'est des outils pour ensuite pouvoir bien aborder les sujets et les livres justement ensuite traitant de ce sujet-là. Et ça, c'est très important. Il faut bien comprendre ces catégories de déduction ou d'indication. Dalalat al-mutabaqa wa dalalat al-tadammun wa dalalat al-iltizam. C'est très simple, hein. C'est comme on a dit. Tout simplement, c'est que, par exemple, al-khaliq, ça indique telle et telle chose. Lorsqu'on cite toutes les choses que ça indique al-khaliq, toutes ces choses, elles indiquent toutes ces choses-là, cette indication, elle est par correspondance, parce que al-khaliq, ça correspond à ça et à ça. Quand on veut citer juste une chose qui est indiquée dans le nom, par exemple, ça indique l'attribut de la création, c'est une indication, par induction, c'est déduit, c'est induit plutôt, c'est sous-entendu dans le terme. Al-Khaliq, ça sous-entend qu'il a l'attribut de la création. Par exemple, As-Sami'a, Allah est celui qui entend tout. Si on dit donc Allah, l'attribut de l'audience, ça veut dire, mais il n'est pas dit dans le Coran ni dans la Sunna, Allah, lui, détient l'attribut de l'audience. Maître Dalil, le débutant, va dire Subhanallah, toutes ces années, dans le domaine, j'écoutais les savants, mais c'est vrai, il n'y a pas de Dalil. Mais celui qui comprend le sujet, il dit, c'est indiqué. On le déduit par l'indication. Cette indication qu'il est à travers le nom. C'est-à-dire que le nom As-Sami' induit, sous-entend qu'Allah Azzawajal détient l'attribut de l'audience, par exemple. Donc on dit, c'est par indication. D'une indication d'induction. Comprenez ? En fait, c'est les termes en français parfois qui peuvent sembler, la terminologie elle peut sembler complexe, mais c'est très simple. Implication, c'est tout simple. Implication, tel nom implique. En est le créateur, s'implique qu'il a sifat al-ilm, sifat al-qudra, sifat al-irada. S'implique qu'en est il a l'attribut de la volonté, l'attribut du ilm, l'attribut de al-qudra, la capacité. Par implication. Le sujet de l'implication, il est très important. Pourquoi ? Parce que vous verrez ensuite, lorsque vous évoluez dans les livres, comprendre certaines dérives, et surtout certains livres. Il y a de très beaux livres qui ont été rédigés par des savants. Vous savez, l'histoire a été préservée et conservée. Certains grands savants, par exemple, ont rédigé d'une manière historique toutes les tendances innovatrices et les fractions qui ont émergé dans le monde musulman. Comme l'a fait le savant Shahrastani dans Al-Milal ou Al-Mihal, dans son livre. Et historiquement, à quel siècle ils sont apparus, comment ils sont apparus. Et il évoque énormément de fractions. Et il peut évoquer parfois certaines dérives. Les dérives de fondamentales. Et bien, pour les comprendre, il faut comprendre ces sujets-là. Il faut comprendre justement ces sujets-là pour pouvoir évoluer dans la lecture et la compréhension du sujet. Et vous allez voir que certaines tendances innovatrices, par exemple, hérétiques, ils vont dire, ils vont attribuer des choses à Allah Azza wa Jal. Ils peuvent lui attribuer des choses. Lorsque vous allez dire, mais comment peux-tu attribuer telle ou telle chose? Ou bien ils vont nier des choses. Ils vont nier des choses au sujet d'Allah. Ils vont dire, Allah ne peut pas être comme ceci ou comme cela. C'est-à-dire, on ne peut pas affirmer tel et tel attribut pour le Créateur, pour Allah Azza wa Jal. Ils vont dire, pourquoi? Parce que si vous affirmez tel attribut, ça implique, il tizam, ça implique telle et telle chose. Donc le sujet de l'implication, l'indication par application, est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que la majorité des attributs qu'ils réfutent et qu'ils nient, ils vont dire parce que tel attribut implique telle et telle chose. Donc, d'où bien connaître le sujet, de savoir cette implication-là est vérité, mais il y a des implications qui ne sont pas vérités. Par exemple, qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Ça implique, donc il a la science, la volonté, la capacité de créer. Ça c'est vérité, on l'accepte. Mais si on attribue à Allah Azza wa Jal des attributs, ou on nie des attributs à Allah Azza wa Jal par ou pour cause d'implication qui serait fausse, c'est un égarement. Par exemple, de dire, si on attribue à Allah Azza wa Jal al-istiwa, l'attribut de l'élévation au-dessus du trône, pourquoi il le nie? Parmi les justificatifs et les arguments, parce que ça implique telle et telle chose. Que pour eux, ces implications-là sont inconcevables au sujet d'Allah Azza wa Jal. Nous disons ces implications-là, eux, ce qu'ils disent, ça implique telle et telle chose, n'en sont pas forcément vérité. Nous avons eu le domaine de l'implication et important de le connaître. C'est pour ça qu'on avait appris dans les règles concernant les noms, Cheikh avait dit, l'implication, si elle est vérité, on l'accepte, mais elle peut ne pas être vérité. Lorsqu'ils disent, si vous affirmez l'attribut de l'audience, de la clairvoyance, ça implique quoi pour eux? Qu'on fait ressembler le créateur à la créature. Est-ce que cette implication est vraie? Non, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'Allah dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Donc l'application, est-ce qu'elle est vérité? Elle n'est pas vérité. Donc c'est pour ça, les implications, elles ne sont pas forcément vérité. Et donc ça, c'est un sujet très important. Nuwasil al-kalam fi halqatin qadima. بإذن الله سبحانه وتعالى سائلين المولى عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعلم النافع وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا حسن الخاتمة اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا وأحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم